À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti de Travail de Corée, la maison d'édition Anfer d'Espagne a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, le service fidèle pour les masses populaires est le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti du Travail de Corée et le cercle d'études du kimilsonisme-kimjongisme de l'Afrique du Sud l'a inséré dans son homepage d'Internet. Par ailleurs, toujours à la même occasion, la maison d'édition nationale du Laos a fait paraître en brochure l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, La protection du patrimoine national est une entreprise patriotique appelée à faire briller l'histoire et les traditions de notre nation.